puissant syndicat de la boucherie a répondu présent par une bonne occasion de discuter le coup de main en défendant le beefsteak. You ready? Ladies and gentlemen, I'd like to request that we have absolute quiet while this young artist is playing. Mais je ne parlerai qu'à ta complice éperdue de choses que je ne comprendrai pas. De toi qui pars, moi qui meurs ici-bas. La vie est belle et rude parfois. Nous deux contre le monde et je perds mon bras droit qui dirigera notre fuite, qui gouvernera ensuite un empire bâti sur des draps de soie. Dans le fond, la suite me convient tout autant. Autant rester dans le noir et la contrefaçon. Et file dans le sens de la vie en silence. Brille dans la ville et son incandescence. L'essence qui fourmille me glisse entre les doigts. Je ne la retiendrai pas, je suis un brasier et je perds tout ce que j'avais bien. C'est le Mistral qui me ravage et m'éteint autant. Confonds pas la haine et la jalousie. Les doubles sentiments sont pas pour ceux qui sourient. Je saigne de mes veines, mes fautes et mes torts. Je saigne de mes veines des serpents de remords. Autant faire cramer des bâtiments entiers pour me rappeler la chaleur que tu me donnais. Autant mater des avions en papier s'écraser sur des châteaux pour voir ce qui va en rester.